avec un pause car colorions la ville, baisons les murs sans fort car pas de pause, il y a 4 heures du mat opérationnel et je me pose là, lâchant les têtes dans les ruelles ou à la maison, en chaussons on dans la gare et c'est ça qui répond. Quand le son m'éveille, je suis un lion dans la sabane, pas dans un zoo, un poisson dans l'eau ou un requin. Je suis marteau, toi t'es le plus, pas celui du spectacle, désolé. Tu passeras pas à la télé, non mais t'as vu comment t'en es. Moi j'écris des phrases à fouter comme des savons japonais. Depuis le temps où Jolly Jumper était des japonais et des rimes qui font planer, qui me font que pitons. Depuis le temps où ta grande sœur mangeait du poisson pané, il y a pas Ox qui pensait que l'arlève était pané. Je débarque avec mes mots, j'ai même pas besoin de campagne, je suis déjà dans les cerveaux. Soyez pas fan et respectez Bilbo, ou bien vous allez tout scanner. Je peux tout scanner, même de fac, c'est mon son ici, pas pour s'y mettre, faut pas déconner. Si je suis adorable, alors je sers de chez moi. Qui fait la life, il faut des ans de toi, tu parles. Au-dessus de toi, c'est plus de mes lépines qui me font plaisir. Garde le sourire. Ils ont le temps de voir venir encore. Les plus jeunes se bagarrent, ils se marrent. monde est au bout de prévenir. Écoute tes délire, next level à la menu. Et je suis tellement loin, comme je sais tout ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave, pas de problème. Je continue quand même, déforme les mots sans effort à la faute. Quand je suis sur scène, bande des passants jamais. Si ton top de weed en général caché dans mes veines, ou dans l'esprit que j'ai au bec, je m'en bats l'air. C'est bien pour moi, c'est pour toutes les gars, pour les mecs. Puis je ferme ma gueule pour rester correct. Y'a de l'espace et quelques citations d'Aragon, des messes basses et puis des...